Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Les grands duels qui ont fait la France, c'est le titre de l'ouvrage qui a inspiré Franck Ferrand pour son émission d'aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Louis XI contre Charles le Téméraire, Robespierre contre Danton, Clémenceau contre Poincaré, je le disais, jusqu'à Mitterrand-Rocard et Sarkozy-Fillon, tous ces bras de fer, toute proportion gardée, mais on va y venir, tous ces bras de fer ont forgé, on peut le dire, l'histoire de France. Le directeur de l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, Alexis Brézé, est avec nous dans ce studio, ainsi que Jean-François Saulnon, avec lequel nous allons revenir notamment sur l'assassinat du duc de Guise, une des pages les plus célèbres, mais aujourd'hui méconnue de l'histoire de France. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Nicolas sur l'origine des étoiles attribuées au restaurant. Eh bien, bon appétit à ceux qui sont à table. Pour le moment, je ne puis vous convier qu'à des festins de fiel et de sang. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Deux jours avant Noël 1588, nous sommes au château de Blois, où se tiennent depuis quelques semaines maintenant les états généraux. Imaginez plus de 500 députés du tiers-état, du clergé, de la noblesse qui sont réunis là dans un climat extrêmement tendu. C'est véritablement l'avenir du royaume qui est en train de se jouer. Tout le monde sait que le duc Henri de Guise, il a 37 ans le duc de Guise, est en train de devenir de plus en plus dangereux pour le roi Henri III. Henri de Guise lorgne sur le trône de France. La mère du roi, Catherine de Médicis, a 70 ans ou quasiment, elle est très inquiète. Elle se dit que son fils est en train de jouer son trône, peut-être même sa vie. Elle a raison, Catherine, vous allez le voir, car Henri de Guise a bien l'intention de profiter de ses états généraux, carrément pour renverser le roi. Henri III n'a dès lors plus le choix. Dans le plus grand secret, il va convoquer sa garde rapprochée, ce qu'on appelle les 45, et l'avant-veille de Noël, à 4h du matin, des ombres se faufilent dans les passages secrets du château. Le duc de Guise vient de passer une belle nuit. C'est son secrétaire Péricard qui le réveille. Le roi a convoqué le duc de Guise pour un conseil exceptionnel. Il est très fatigué, Guise, parce que, pour tout vous dire, sa nuit a été très agitée. Il l'a passé dans les bras de Charlotte de Sauve et, semble-t-il, il est épuisé. Il est vrai que la dame a la réputation d'être une maîtresse exigeante. Il se lève. Tant bien que mal, il fait assez froid de si bon matin. Guise se couvre les épaules d'un large mantelet avant de prendre son épée et le voilà qui quitte déjà son appartement, suivi de Péricard. Il traverse la cour du château. Si vous allez à Blois, vous pouvez revivre tout ça, bien entendu, même si les bâtiments ont un petit peu changé depuis. Il traverse la cour en direction des appartements royaux. Henri de Guise gravit le célèbre grand escalier de l'aile François Ier. Il monte comme ça jusqu'au deuxième étage. Enfin, si on compte l'entresol, on va dire au premier grand étage noble. Il approche de la salle du conseil. Et à ce moment-là, il sent un moment de faiblesse, ce que nous appellerions, nous, aujourd'hui, un accès d'hypoglycémie, vous savez. Alors, il commande à l'un de ses suivants d'aller lui chercher son drageoir plein de raisins de Corinthe. Et au moment même où le valet s'éclipse, on avertit le duc de Guise que sa majesté est là, qu'il l'attend dans son cabinet privé, ce qu'on appelle le cabinet vieux à Blois. Pour s'y rendre, le duc doit passer par la chambre du roi. Eh bien, c'est là que 8 hommes de la garde rapprochée l'attendent, et l'attendent armés jusqu'aux dents. Il faut peut-être que je vous dise un peu mieux qui est ce personnage, ce duc de Guise, qu'il faut imaginer grand, corpulent, avec les cheveux et les yeux très clairs. Il est aujourd'hui le chef d'une branche très importante, la branche cadette de la maison souveraine de Lorraine, donc cette famille de Guise. Jean-François Saulnon, dans les grands duels qui ont fait la France, nous dit « Titre, fortune, terre, clientèle, emplois à la cour, aux armées, dans la diplomatie et dans l'église, toutes ces grandeurs d'établissement énoncées par Pascal se sont accumulées sur le nom des Guise. Ils accèdent ainsi au premier rang de la noblesse de France, impatients de rivaliser avec les plus anciennes maisons du royaume, les Montmorency ou les Bourbons. Alors, il faut peut-être vous parler du grand-père d'Henri de Guise, Claude, grand personnage, le comte de Guise à l'époque, qui a été un des plus grands capitaines de son siècle, si j'en crois Dutrousset de Valincourt. Sa loyauté, les services qu'il a rendus à François Ier lui ont permis de voir sa terre, son comté, érigé en duché en 1527. Du reste, les terres de Guise, d'Aumale, d'Elbeuf, de Joinville, de Mayenne vont par la suite être également érigées en duché. Le père d'Henri, c'est François de Guise, qui était déjà balafré, hein, on l'avait vu à Boulogne, il avait reçu une lance qui lui avait littéralement traversé la face. Il a été lieutenant général des armées, lui aussi grand personnage. Il a été successivement grand chambellan, grand veneur, grand maître de France. Enfin, il accumule sur sa tête tous les plus hauts offices de la cour. Et à la mort donc de François, c'est Henri de Guise qui a récupéré la charge de grand maître. Et il se trouve que lui aussi est un brillant militaire. Henri, c'est celui qui nous intéresse, vous l'avez bien compris. Les Guises, ai-je besoin de le préciser, c'est ce que tout le monde se rappelle. À leur propos, les Guises sont à la tête du Parti catholique, bien entendu. Ce sont eux qui mènent tout ce mouvement catholique intransigeant. Il se trouve que le petit frère de François de Guise, donc l'oncle d'Henri, n'est autre que le premier cardinal de Lorraine. Il a été fait cardinal de Lorraine au moment de la mort de François Ier en 1547. Et puis, le frère d'Henri, Louis, donc son neveu, va devenir à son tour cardinal de Guise en 1578. Donc on est là vraiment au cœur et à la tête du parti catholique. Les Guises sont en première ligne pour combattre les protestants au nom du roi de France. Et au moment de la conjuration d'Amboise, c'était en 1560, alors que les protestants insurgés projetaient de renverser le tout jeune roi François II, c'est François de Guise à la tête de l'armée royale qui avait eu raison de leur révolte. Et puis, après la mort de François II en décembre 1560, au moment de l'avènement de Charles IX, l'engagement des Guises au service du catholicisme s'était encore précisé. François de Guise a participé à un gouvernement collectif, un triumvirat pour la défense de la foi catholique. Ça, c'était au printemps 1561, il était là avec Anne de Montmorency, le connétable de Montmorency, et le maréchal de Saint-André. L'année suivante, c'est lui qui organise le célèbre massacre des protestants à Oissy, sur les terres de Champagne. On peut dire que nous sommes là aux origines même de ce qu'on va appeler les guerres de religion. François de Guise a donc été assassiné en 1563 devant Orléans par un gentilhomme réformé, Jean-Paul Trot-de-Méré. On pense que le commanditaire de cette opération était Gaspard de Coligny, en l'occurrence, et le fils, bien entendu, Henri, qui a été traumatisé par ce meurtre, il avait 12 ans à l'époque, va grandir dans l'idée de devenir à son tour le chef de ce mouvement, le chef de ce parti catholique. Il l'est maintenant, et en 1588, il en est à menacer le trône. Pas pour très longtemps, puisque vous avez compris que maintenant, ces minutes, que dis-je, ces instants sont comptés. Originale de la série Borgia composée par Cyril Morin. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'assassinat du duc de Guise. Alors, ce qui est étrange dans cette affaire, c'est qu'au tout début, les relations entre Henri de Guise et le duc d'Anjou, celui qui allait devenir Henri III, étaient tout à fait excellentes. Ils ont participé ensemble à un certain nombre de combats, on est dans le cadre des guerres de religion, bien entendu. Ils ont combattu l'armée huguenote de Condé et Coligny à Jarnac, puis à Moncontour, au moment de la célèbre bataille de Moncontour en 1569. La première vraie fracture, elle est intervenue à propos de Marguerite de Valois. En effet, Henri de Guise et la sœur du roi ont eu une idylle. Seulement, la famille royale a exclu ce mariage. Catherine de Médicis, Charles IX, Henri d'Anjou, donc le futur Henri III, ne voulaient pas du tout entendre parler de cette union entre la princesse et un duc prêt à relancer à tout moment la guerre avec les protestants, alors que depuis plusieurs années, on cherche, vous savez, à tout prix à établir la paix avec les protestants. Finalement, Guise a abandonné le projet d'épouser Marguerite, il va épouser Catherine de Clèves en 1570, et vous savez qu'en 1572 va être décidé le mariage entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre, bien entendu, un protestant. Ce mariage qui, un peu plus tard, lorsqu'il va être effectif, va donner naissance aux événements de la Saint-Barthélemy, bien entendu. Alors, pendant toute cette période, le duc de Guise est toujours déterminé à débarrasser la France des protestants. On va voir le duc de Guise lors de la célèbre nuit du 24 août 1572, la nuit de la Saint-Barthélemy. On le voit jouer un rôle tout à fait important dans le massacre. Et au passage, il va faire assassiner Coligny. Dans son esprit, il venge son père, bien entendu. Dans les années qui suivent, les relations entre le duc de Guise et Henri III se dégrade encore. Pour Henri de Guise, Henri III, qui est devenu roi en 1574, est trop faible avec les protestants. Il est beaucoup trop conciliant. Encore une fois, on est du côté des intransigeants. Les Guises ne veulent aucune entente, aucun accommodement. Henri III, certes, prend la tête lui-même, la tête de la Ligue en 1577, mais au moment où la même année où l'on fait la paix entre catholiques et protestants, c'est le traité de Poitiers. Il y a également les fameux bals au château de Blois qui vont rassembler catholiques et protestants. Il faut dire que ces guerres de religion coûtent extrêmement cher à la France, hein, et que évidemment la reine mère Catherine de Médicis entend y mettre fin le plus vite possible. Le duc de Guise n'a donc, on peut dire qu'il n'a plus du tout la faveur d'Henri III. Henri III a placé ses propres protégés, des serviteurs, des guerriers fidèles, ces fameux mignons à différents postes importants. Joyeuse est nommé amiral de France, Épernon est promu colonel général de l'infanterie, au lieu du comte de Brissac, frère des Guises. Et Henri de Guise, peu à peu, va se trouver lui-même mis à l'écart. L'accès à l'intimité du roi lui était interdit, dit Jean-François Saulnon, le secours des finances royales pour aider à éponger ses énormes dettes, refusé. Mignon et archi-mignon furent les antidotes à la menace guisarde. Il se sent assez fort, parce qu'il est bien entouré, Henri III, mais il a tort de minimiser l'importance des plans d'Henri de Guise. Intéressant tous ces Henri d'ailleurs, Henri de Navarre, le protestant, le roi Henri III, et puis de l'autre côté donc Henri de Guise. En 1584, le 10 juin, François d'Alençon, duc d'Anjou, qui donc est le frère cadet, l'héritier d'Henri III, meurt. Or, vous savez qu'Henri III n'a pas d'enfant. Ce qui veut dire que là, d'un seul coup, on se retrouve sans héritier direct pour le royaume. Qui succédera à Henri III lorsqu'Henri III ne sera plus de ce monde? Les lois du royaume, les lois fondamentales, imposent comme successeur un descendant naturel, un lointain cousin, descendant d'un fils de Saint-Louis, le roi de Navarre, Henri de Bourbon, qui se trouve être, donc, puisqu'il a épousé Marguerite, il se trouve être la reine Margot, il se trouve être le beau-frère, évidemment, d'Henri III. Or, vous le savez, ce roi de Navarre, cet Henri de Bourbon, ce futur Henri IV, évidemment, est protestant. Pour Henri de Guise, et d'une manière plus générale, pour l'ensemble du parti qu'il représente, c'est tout simplement inimaginable. On ne peut pas penser qu'un protestant va monter sur le trône de France, même si Henri III a demandé à Henri de Navarre qu'il se convertisse. Le chef de la Ligue, le duc de Guise, reconnaît pour sa part comme seul héritier légitime de la couronne le cardinal Charles Ier de Bourbon. C'est donc un bras de fer, évidemment. C'est le début d'une lutte. Vous comprenez pourquoi on parle des grands duels qui ont fait la France. Là, ça va être le duel entre Henri III et Henri de Guise. Et dans cette lutte, évidemment, le duc de Guise peut compter sur le soutien des catholiques en général et plus spécifiquement des Espagnols. Le roi d'Espagne le porte, le soutient. Le traité de Joinville du 31 décembre 1584 garantit la promesse de secours militaire pour combattre Henri de Navarre au cas où Henri viendrait à accéder au trône. Il faut évidemment songer là à l'influence de ce qu'on appelle la Sainte Union qui va gagner toutes sortes de provinces, la Champagne, la Bourgogne, la Picardie, la Normandie, mais aussi des villes comme Orléans, Bourges, Lyon. Petit à petit, c'est son propre royaume qui est en train d'échapper à Henri III. Il le voit qui lui quitte les mains, si je puis dire. Face à cette menace qui fragilise donc beaucoup son pouvoir, le roi va finir par céder. Le 7 juillet 1585, il signe avec les ligueurs le traité de Nemours. Henri de Navarre, donc le protestant, perd ses droits à la succession. La religion réformée est interdite et pendant ce temps, le pouvoir d'Henri de Guise se renforce. En octobre, en novembre 1587, on le voit qu'il remporte des victoires contre les Huguenots, à Vimory, à Ono, etc. C'est à ce moment-là qu'Henri III décide d'interdire à Henri de Guise l'entrée dans Paris. Vous allez voir dans un instant ce qu'il fait de cette interdiction. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant, sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la mort du duc de Guise. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à l'assassinat du duc de Guise. Alors, je viens de vous le dire, le roi Henri III interdit au duc de Guise l'entrée dans Paris. Sauf que le 9 mai 1588, Guise brave cet interdit. Il est tellement puissant. Il est arrivé à un tel statut maintenant qu'il se prend plus ou moins lui-même pour le roi. Le voilà qui entre dans Paris au cri d'accueil de la foule, bien entendu. Vive Guise, vive le pilier de l'église. Henri III envoie ses troupes, mais alors c'est un échec complet. Les habitants commencent à se révolter. On dresse des barricades. Ça va être la célèbre journée des barricades du 12 mai 1588. Et devant cette sorte d'insurrection, et évidemment devant le coup de force du duc de Guise, Henri III n'a pas le choix, il doit se retirer. Le voilà qui s'enfuit, vous imaginez l'humiliation absolument incroyable. Guise prend le commandement en chef des armées royales, le balafré comme on l'appelle, devient, j'allais dire le second personnage de l'État, mais c'est à se demander s'il n'est pas devenu quasiment le premier. D'ailleurs, il est prêt à renverser le roi. Les États généraux s'ouvrent à Blois dans un climat dont vous comprenez mieux maintenant que je vous ai dit tout à l'heure qu'il était tendu. Le 16 octobre 1588, ouverture des États généraux avec, notamment dans le tiers-État et largement dans le clergé, beaucoup de ligueurs, bien entendu, un peu moins dans la noblesse forcément qui reste fidèle au roi. Les critiques sont très nombreuses contre le roi et surtout contre Navarre, hein, contre le protestant qui est censé lui succéder un jour. L'Assemblée veut instaurer le partage du pouvoir entre le souverain et la nation. On est peut-être au bord de ce qui pourrait devenir, j'allais dire, une monarchie constitutionnelle. Peut-être pas, les historiens se divisent sur la question, mais en tout cas, une monarchie, on pourrait revenir à la monarchie tempérée du temps de Louis XII, tout simplement. C'est ça qui pourrait se passer. Pour Henri III, la cause est entendue. Il n'est que temps de se débarrasser du duc de Guise. Et voilà comment on arrive à ce fameux 23 décembre 1588 à 4h du matin. Guise qui se lève, qui rejoint le roi et nous l'avons laissé au moment donc où il entrait dans, il approchait, il était dans l'antichambre du cabinet vieux. À ce moment-là, les 8 hommes que le roi a sélectionnés dans sa garde rapprochée, qu'on appelle les 45, ces 8 hommes sont là et ils vont se jeter sur le duc de Guise et ils le poignardent. Alors, le poignarde, vous imaginez bien que Guise essaie de se défendre, mais il est seul contre 8. Il reçoit au total une trentaine de coups de dague et il rend son dernier soupir là au pied du lit du roi. Ah messieurs, oh quelle trahison, ce sont ses derniers mots. Alors on fait entrer le roi lorsque tout est consommé. Enfin je suis roi, aurait dit Henri III, quiconque osera donner atteinte à mon autorité apprennent par cet exemple ce qu'il doit attendre de moi. Et vous connaissez évidemment la très célèbre phrase, est-elle réelle ou apocryphe, relève-t-elle ou non de la légende, toujours est-il que Henri III aurait dit en voyant le cadavre de son ennemi, il est encore plus grand que vif. Mort que vif, pardon. Le roi Henri III va ordonner de faire disparaître le corps, d'ailleurs tout comme celui du cardinal de Guise qu'on a arraisonné plus loin et qu'on a tué également. le duc de Guise va être brûlé dans la cheminée des cuisines de Blois à la broche et ses cendres jetées à la Loire. Avec un double épilogue, si je puis dire, à cette scène de très grande violence, à ce duel qui s'achève par la mort d'un des deux combattants. D'abord, 2 semaines seulement après l'assassinat du duc de Guise et de son frère, le cardinal de Lorraine, c'est Catherine de Médicis qui meurt à son tour. Il faut vous dire qu'elle était malade depuis très longtemps, mais elle meurt le 5 janvier 1589. Et puis, moins de 7 mois plus tard, le 1er août 1589, Henri III, il faut vous dire qu'entre-temps, Henri III a été excommunié par le pape puisqu'il avait osé tuer un cardinal. Eh bien, Henri III va être poignardé au château de Saint-Cloud par un moine fanatique, Jacques Clément. Comme je le dis le matin dans la matinale de Thomas Soto, ça, c'est déjà une autre histoire. Bonjour messieurs, nous allons revenir avec vous Alexis Brézé et avec vous Jean-François Saulnon, non seulement bien sûr sur l'assassinat du duc de Guise, mais sur tous ces grands duels qui ont façonné notre histoire et qui continuent aujourd'hui à nous passionner. Que voulez-vous ? Les Français ont quand même un certain goût pour le sang. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. L'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des grands duels qui ont fait la France avec vos invités. Jean-François Saulnon, historien qui a participé à l'ouvrage collectif Les grands duels qui ont fait la France. Ouvrage fait sous la direction d'Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro, qui est également votre invité, ainsi que de Jean-Christophe Buisson aux éditions Perrin, Le Figaro Magazine. Et oui, c'est une co-édition, Alexis Brézé. Hein. Et ce n'est pas la première d'ailleurs que vous faites. C'est ça, c'est pas la première, puisque l'année dernière, je crois que vous avez eu la gentillesse d'en parler, Le Figaro Histoire, qui est le bimestriel d'histoire du groupe Figaro, et les éditions Perrin avaient déjà publié Les derniers jours des rois de France. Selon ce principe de raconter chapitre par chapitre plein d'histoires avec la rigueur des historiens et puis le plaisir d'écriture du style journalistique. Oui, c'est la particularité, il faut souligner cette particularité de ces coéditions, c'est qu'il y a à la fois la structure, la façon de procéder de la presse, hein, on est quasiment dans des articles de journalistes, et puis c'est signé par des maîtres de l'histoire, si je puis dire. Donc exactement, ça, c'est... et alors là, avec les grands duels qui ont fait l'histoire de France, on s'est dit on va continuer, puisque finalement, ce genre d'ouvrage a du succès, parce que les gens sont désireux de lire des choses qui sont sérieuses, parce que c'est vraiment du travail d'historien et divertissant à la fois. Et on s'est dit, on va faire les grands duels de l'histoire de France en faisant appel à des grands historiens. Jean-François Saulnon est ici, Simone Berthière, Jean-Christian Petit-Fils, Guylain Diesbach et plein d'autres. Et puis aussi à des journalistes proches du Figaro, que ce soit Philippe Tesson, Christine Claire, Guillaume Tabar, Jean-Christophe Buisson, enfin il y en a plein, pardon pour ceux que j'oublie. L'idée étant de chaque fois de prendre un grand duel, depuis Louis XI jusqu'à... Ce qu'on appelait autrefois un florilège. Exactement, en fait, hein. Depuis Louis XI et Charles le Téméraire jusqu'à Sarkozy-Fillon, qui est en pleine actualité, et de raconter de façon à la fois sérieuse et divertissante tous ces duels. Alors on va revenir sur l'ensemble de ces duels bien entendu, mais j'aimerais d'abord que nous nous attardions quelques minutes dans les brumes glaçantes du château de Blois sur cet assassinat du duc de Guise. Est-ce que c'est un assassinat ou est-ce que c'est une exécution, Jean-François Saulnon ? Après tout, c'est le roi qui ordonne. Bien sûr, puisque ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le roi de France cumule toujours tous les pouvoirs. On n'est pas encore au temps où Montesquieu s'était vertué à les séparer les uns des autres. Donc pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et le roi a ce qu'on appelle une justice retenue. Il y a une justice déléguée entre les mains de magistrats, du parlement ou des bailliages, mais aussi une justice retenue. Donc il est tout à fait en droit de commander une exécution. Les rois de France l'ont fait très peu souvent. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas un meurtre. C'est l'exercice, ça nous trouble aujourd'hui bien évidemment, mais c'est l'exercice de la justice retenue du prince. Alors les spécialistes des lois fondamentales du royaume vous diraient peut-être que ça n'est pas parce que le roi est dans l'exercice d'une justice retenue, c'est-à-dire qu'il l'exerce personnellement, que ça le dispense de mener un procès dans les formes néanmoins. Or là, il n'y a pas eu de procès. Mais il n'était pas possible d'avoir un procès parce qu'il faut bien se rendre compte qu'Henri III a face à lui une puissance considérable avec les Guises, notamment avec le premier d'entre eux, Henri, dont vous avez rappelé la brillante carrière. Et surtout, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que les Guises, eux, tout seuls, ne réussiraient pas à renverser le roi de France. Il leur faut un appui, et un appui extérieur. Il leur faut de l'argent aussi, tout simplement. Et cet appui, ben, c'est celui de l'Espagne. Voilà. Parce que c'est la grande puissance du temps. Ce sont les États-Unis du temps, en quelque sorte. Mais c'est très intéressant de voir sous les différents règnes, ça va comme ça se prolonger jusque sous Louis XIII. Et puis alors, on verra Richelieu mettre un terme à tout ça, bien entendu. L'influence extrême de l'Espagne, qui est la grande puissance de l'époque, ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, bien entendu. Une puissance riche, grâce au trésor américain. Et Philippe II, depuis sa résidence de l'Escurial, peut diriger les affaires, peut tenir les ficelles, jusqu'au moment où sa grande aventure de l'invincible armada, chargée de faire la conquête de l'Angleterre, échoue. C'est une défaite navale qui est plus d'ailleurs due aux tempêtes qu'à un véritable combat. Et ainsi, l'Espagne est quelque peu rétrogradée. Et quand l'Espagne est rétrogradée, ben le roi de France peut souffler un peu. Et c'est pour cette raison qu'il a réussi à concevoir l'assassinat, la disparition de celui qui incarnait le relais de l'Espagne. Car il ne faut pas oublier non plus que Henri de Guise avait signé un traité avec l'Espagne. Alors, certains historiens nous expliquent qu'il faut tenir compte des mentalités, ce dont je suis bien d'accord, et vous aussi très probablement. Mais enfin quand même, signer un traité d'alliance avec une puissance qui est l'ennemi du royaume de France, si ça ne s'appelle pas de la trahison, je ne sais pas quel mot en français on peut utiliser. Oui, même à cette époque et même dans le contexte, on peut dire incontestablement. Lors d'une émission de télévision assez récente, je crois que c'était au début de l'année dernière, émission à laquelle vous participiez d'ailleurs, Jean-François Solnon, je m'étais permis de raconter cette affaire de l'assassinat du duc de Guise. Et je me rappelle que le problème que nous avions eu, entre autres, c'était un problème d'illustration, car on ne sait jamais, lorsqu'on montre les images, si l'on a affaire à Henri III, roi de France, ou à Henri de Guise, chef de la Ligue. Ils se ressemblent, c'est un peu les mêmes. Ils ont le même prénom. Ce sont deux jeunes gens, parce qu'ils sont très jeunes, il faut bien avoir en tête. Ça, il n'y a que Catherine qui est une vieille dame à ce moment-là. Sûr, mais autrement, ce sont des jeunes ambitieux, des jeunes qui veulent faire leur place au soleil. Et ils se ressemblent. Ils sont grands, ils sont élancés. Ils sont très beaux, disons-le. Ils ont tous les deux ce visage qui est ombré par une barbe taillée court. Ce sont des duellistes, alors là au sens premier du terme, des gens extrêmement courageux qui se battent. On a pensé qu'Henri III ne passait que son temps qu'à s'amuser avec des petits chiens. C'est un combattant. Dans le meilleur des cas. C'est un combattant et Henri de Guise aussi. Enfin, la balafre qu'il porte fièrement sur sa joue le montre suffisamment. Donc on a affaire à des personnalités très fortes qui s'affrontent là. D'autant que les Guises ont des ambitions. On s'est longtemps interrogé pour savoir si vraiment ils voulaient prendre la tête du royaume de France. En tout cas, ils se constituent une généalogie assez incroyable, puisqu'ils prétendent descendre de Charlemagne, voire de Mérové, et considèrent que tous les descendants du Capet sont des usurpateurs. Alors, vous connaissez ma singulière et peut-être agaçante tendance à me faire l'avocat du diable, mais je me dis qu'après tout, on nous présente toujours Henri III comme le justicier. Après tout, il est détenteur du pouvoir légal et légitime. Il est le roi. Il estime que son régime et la France, par conséquent, sont en danger. Et donc, il est dans son droit. Il fait exécuter, comme on voudra, le duc de Guise. Mais imaginons, sans vouloir faire forcément d'histoire fiction, que Guise l'ait emporté. Est-ce que la monarchie qui aurait vu le jour à la suite d'Henri III n'aurait pas été une monarchie plus tempérée, plus en quelque sorte plus équilibrée que ce que nous avons connu jusqu'à la Révolution avec cette fameuse monarchie absolue ? L'avocat du diable a oublié ce qui se passait aux États généraux de Blois. Est-ce que il faut comprendre que les députés ligueurs du clergé ou du tiers et quelques nobles aussi n'ont cessé de multiplier les avanies à l'égard du roi de France. Quand on lit les textes de l'époque, et en particulier lorsqu'on lit les pamphlets, il y avait un bourgeois parisien au XVIe siècle qui s'appelait Pierre de l'Étoile, qui a passé sa vie à collectionner ses tracts, ses pamphlets, un peu comme en mai 68. Très passionnant, oui. Certaines personnes avaient conservé les affiches et les graffitis qu'on pouvait trouver. Oui. Exactement. Quand on lit ça, on est véritablement fasciné, et ça a un écho même dans notre perception de la vie politique d'aujourd'hui. Et on ne se fait pas de cadeaux. Et donc, il y a des avanies continuelles qui sont faites à l'égard du roi de France. Et en lisant cela, on se dit, mais enfin, est-ce que Henri III va réagir un jour ? Il faut qu'il sauve sa couronne. Bon, il l'a sauvée. Mais dans le cas contraire, c'était votre question, C'est difficile à dire. Là aussi, les historiens sont partagés. C'est tant mieux, parce que ça permet de réfléchir débat, largement. Oui. Est-ce qu'il y a simplement une sorte d'ambition personnelle forte, remplacer les descendants du Capet par les Lorrains, comme on disait, les Guises, ou alors une politique qui serait différente? Mais nul ne le sait. Parce que d'abord, elle n'a pas eu lieu. Et puis parce que nous n'avons pas de texte qui nous permette de le dire, voire de le suggérer. Alors, pour le moment, je reste quand même, jusqu'à plus ample informé, un peu partisan du fait qu'on a une rivalité entre deux grandes ambitions. Et puis après tout, c'est ce qui s'est passé, Alexis Brézé. C'est très intéressant cette question que vous posez sur si Guise avait gagné. Oui. Parce que ça montre finalement que les duels ont une importance qui va au-delà de l'anecdote. Parce qu'on dit, oh, ces gens-là, c'est des gens qui se détestent, mais finalement, l'histoire, c'est des grands mouvements économiques, démographiques, idéologiques, et ces querelles d'hommes, finalement, comptent assez peu. Non, mais c'est très faux, ça. Eh bien, c'est très faux. Oui. On le voit à travers tous ces duels. On peut, cette question que vous posez, si Guise avait gagné, on peut se la poser pour plein de duels. Et si Robespierre avait pas fait couper la tête de Danton, et si Louis XVIII et le futur Louis-Philippe avaient réussi à s'entendre, peut-être que la monarchie constitutionnelle aurait été sauvée. Et si Cadouda, le gros Breton, avait livré Bonaparte aux Anglais quand Bonaparte n'était pas encore Napoléon, bah tout aurait changé. Et si Chirac n'avait pas trahi Giscard, bah Mitterrand n'aurait pas été élu. Vous voyez que le duel derrière ses côtés anecdotiques, et c'est ça que raconte cet ouvrage à travers ses différents chapitres, à travers cet aspect anecdotique, il y a des vraies conséquences historiques. Est-ce qu'un duel peut être froid, si je puis dire? Vous nous dites que ce sont des gens qui se détestent, certes. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait personnellement de la haine entre les duellistes pour qu'ils entrent dans la catégorie que vous désignez là? Le bon duel, oui. Le bon duel, oui. Le duel, c'est les passions des hommes. C'est des haines, c'est des exécrations, c'est des détestations. Parfois un peu irrationnelles, mais c'est ça la vie, c'est ça l'histoire. Et de ce point de vue, le duel, c'est une porte d'entrée dans l'histoire qui est différente de la démographie, différente de l'économie, différente de même des mouvements militaires, mais qui éclaire l'histoire et qui fait aimer l'histoire. C'est un moyen très, très fort d'incarnation, évidemment. Oui, Jean-François Solnon. Oui, parce que là, l'histoire est incarnée. Incarnée par des hommes, essentiellement, quelques femmes, mais surtout, oui, surtout des hommes. Il y a pas de femmes sur la couverture, en il tout cas. Des moments, il y a des moments clés de l'histoire. Marie de Médicis contre Richelieu, tout de même, qui sont choisis. Les moments clés, c'est l'entrevue de Péronne entre Louis XI et Charles le Téméraire. C'est la journée des dupes, justement, Marie de Médicis, Louis XIII et Richelieu. Souper et Talleyrand Fouché, bien formidable. Entendu. Et puis, il y a aussi de très fortes personnalités. Et ces personnalités, elles sont révélatrices d'un mouvement de fond. Et ce mouvement de fond, c'est un choix de gouvernement, monarchie absolue ou monarchie constitutionnelle. C'est également un choix de politique étrangère. Richelieu, favorable à une alliance avec les protestants d'Europe contre la maison des Habsbourg. Bref, on a ici rassemblé dans ce livre, en une vingtaine de chapitres, on a tout un déroulé de l'histoire de France. L'histoire est tragique, on le sait, et l'histoire de France n'échappe pas à ce précepte. Et l'histoire, elle est incarnée, comme le disait Alexis Brézé. Je crois que c'est fondamental, c'est-à-dire que on n'imagine pas toujours quelle influence immense et quelles répercussions quasiment incalculables peuvent avoir parfois, lorsque ce sont des puissants qui les éprouvent, un certain nombre de passions. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur la passion ? Oui, c'est vraiment très, très frappant de voir comment la dimension personnelle et la dimension historique au sens large du terme sont toujours inextricablement mêlées. Louis XI et Charles le Téméraire, c'est deux conceptions de l'État et de la monarchie. Et on pourrait continuer dans le monde moderne. Giscard et Chirac, il y a du fond. C'est pas la même façon de voir la France. Et puis il y a la question de personnes qui sont essentielles aussi. Ou alors Mitterrand et la vieille et ses filles, et Rocard et la voilà. Deuxième gauche. Voilà. Là, c'est important parce qu'on vit encore sur ce dilemme. Mais il y a aussi une exécration personnelle qui n'a rien à voir avec cet aspect idéologique. Vous venez de nous fixer le programme des minutes qui viennent. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Les grands duels qui ont fait la France, c'est le thème de votre émission Cœur de l'Histoire cet après-midi, Franck Ferrand. C'est un ouvrage également fait sous la direction d'Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro, qui est votre invité cet après-midi. Et Jean-François Solnon, historien, a participé également à cet ouvrage collectif. Et nos auditeurs sont nombreux à réagir. Alors Audrey, par exemple, sur Twitter, nous dit, quand elle entend parler duel historique, elle ne peut s'empêcher de penser aux mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et Alexandre nous dit, pouvez-vous évoquer l'association pour le rétablissement du duel en matière de presse fondée par Bernard Lugan et feu Vladimir Volkov. Alors, oui, bien sûr, mais précisons tout de suite, Alexis Brézé, que les duels dont il est question dans ce livre et donc dans cette émission, ce ne sont pas des duels à l'épée, ce sont des duels politiques, plus généraux. Ce sont des duels souvent terribles, parfois, des bras de fer, parfois sanglants, mais qui ne sont pas des duels à l'épée. Ce sont d'abord des duels politiques qui peuvent se terminer dans le sang. Charles le Téméraire, il finit dévoré par les loups. Henri III, on vient de le dire. Et Danton et Robespierre se font couper la tête l'un et l'autre. Oui, on peut y laisser sa peau. Et on peut y laisser sa peau, ou sa peau politique, dans des temps plus modernes. Ce sont des duels symboliques. Politiquement, ce sont des duels politiques. Voilà, des duels politiques, entre grands politiques d'ailleurs. On parlait de la mort infâme de Charles le Téméraire, dont on a découvert la dépouille en partie dévorée par les loups. Ça, c'est peut-être le duel des duels, d'une certaine manière, Jean-François Solnan. C'est le premier, qui est autant d'importance. Mais d'ailleurs... Avec la Bourgogne pour enjeu. La lecture de ces chapitres nous montre tout de même qu'il y a des duels inégaux. Le duel inégal, c'est celui qui met en présence le roi et un quidam, en quelque sorte. C'est Bonaparte et Cadoudal. Oui, par exemple. C'est Louis XIV et Fouquet. Et puis, Est-ce qu'on peut parler de duels ? Parce qu'entre, par exemple, pour bien connaître alors là, ce sujet entre Louis XIV et Fouquet, on est plutôt dans une... Il y a évidemment un antagonisme, il y a une forme de compétition, mais on ne peut pas parler d'un duel. C'est-à-dire que vous avez tout le pouvoir d'un côté et quasiment aucun de l'autre. C'est très inégal. Voilà, c'est ça, hein. Et il y a des duels... Le procès de Fouquet va quand même tourner, malgré tout, à une sorte de duel contre le pouvoir du roi. Et il y a des duels... plus égaux que d'autres. Oui. Hein, lorsqu'il s'agit de ministres les uns contre les autres, c'est le cas. Ou alors des duels qui sont égaux entre un Louis XI et un Charles le Téméraire, en raison de la puissance du Téméraire, c'est-à-dire de ces ducs de Bourgogne, dits grands-ducs d'Occident, qui a un projet politique. Et c'est là encore où on voit que deux conceptions de la vie politique, de la pratique politique, sont incarnées par des individus. Le duc de Bourgogne, enfin Charles le Téméraire, a des possessions... qui se situe au Midi, c'est-à-dire le duché de Bourgogne, le comté de Bourgogne ou Franche-Comté et le Charolais, et des possessions qui sont situées dans le Nord, c'est-à-dire la Hollande, ce qui correspond aujourd'hui à la Hollande, à la Belgique, au Luxembourg et à la marge septentrionale des départements français. Et l'idée du Téméraire, c'est de rassembler ces deux blocs. Et comment les rassembler, sinon s'en prendre à la Lorraine qui est indépendante, de se battre contre les Suisses qui sont à l'Est et qui sont une grande puissance militaire à l'époque, voire la Champagne qui appartient au roi de France. Et tout est là, en quelque sorte. C'est cette ambition mégalomaniaque, démesurée du Téméraire, qui explique le duel avec un souverain qui, lui, est en train de construire, avec d'autres et avant d'autres, une sorte de monarchie qui soit dans un royaume fermé sur lui-même, agrandi, et avec une force politique importante. Donc ces deux conceptions, une conception disons féodale du côté du Téméraire, et une conception d'une monarchie qui va devenir une monarchie administrative. Du côté de Louis XI, évidemment. Alexis Brézé. Il faut bien voir que les duels, et c'est vieux comme Caïn et Abel, les vrais duels, ce sont des histoires de famille. Alors des histoires de famille de sang, on vient d'en parler avec Henri III et le duc de Guise, ou on pourra parler ensuite avec Louis XVIII et Louis-Philippe. Ça peut être aussi des familles, finalement, des liens symboliques. Pétain-De Gaulle, il y a un merveilleux, formidable chapitre de Pierre Servan sur le duel Pétain-De Gaulle. C'est le duel d'un père et d'un fils qui vont finalement se condamner mutuellement à mort, mais qui, au-delà de ça, garderont quand même une sorte, à travers de la détestation, une sorte de respect mutuel. Et c'est très étonnant. Plus on avance dans le temps et dans l'histoire, et plus les duels incarnent des combats beaucoup plus profonds et beaucoup plus populaires. Je pense, c'est peut-être parce que je vais en parler ce soir, et je suis déjà dans l'esprit, mais ce duel entre Clémenceau et Poincaré, c'est évidemment le duel entre deux conceptions de la France de l'époque et de la politique, bien entendu. Et ça va être de plus en plus le cas à mesure qu'on avancera dans la République. Et d'ailleurs, on va venir au grand duel de la Ve République. Mais Clémenceau Poincaré, il est passionnant. C'est Jean-Christophe Buisson qui le raconte dans cet ouvrage. Passionnant parce que, malgré tout, deux conceptions de la France, ce sont quand même deux républicains, deux anticléricaux. Le fond est quand même le même. L'un vient de plus à gauche qu'est Clémenceau, mais va aller plus à droite. Donc la conception sur le fond... elle n'est pas si différente, seulement ils se détestent parce qu'ils sont aux antipodes l'un de l'autre, entre le flamboyant Clémenceau, ce passe de dandy, viveur, noceur, corrompu, et un petit peu, et Poincaré, l'homme très, très froid, très travailleur, très, un peu terne. Et ces deux-là vont se détester, se faire une guerre terrible, sauf qu'il y a un moment, en 1917, quand tout va mal, ils vont savoir, en apparence au moins, mettre entre parenthèses, cette querelle. Pas totalement. N'empêche que Poincaré fait venir Clémenceau, lui confie les rênes, et puis là, il y a la désignation de Foch, et puis il y a la victoire. Ils n'arrêtent pas de se détester, mais il y a un moment, devant l'intérêt national, ils se disent, ben, notre querelle, elle doit pas disparaître, mais en tout cas s'effacer un peu. Poincaré aura sa revanche en 2021. Les contemporains sont très durs d'ailleurs avec Poincaré, parce que nous avons tous en tête l'image d'un Clémenceau voûté avec sa canne, avec son écharpe et puis son chapeau tout cabossé en train de fréquenter les tranchées. Mais Poincaré l'a fait aussi. Il était en civil. Mais comme il n'avait pas l'aura de Clémenceau, qui c'était un homme froid, réservé, peut-être qu'il était en escarpin dans les tranchées de 1916 ou de 1917, et on n'en a pas parlé. Il en a souffert beaucoup, d'ailleurs. On parle beaucoup de la communication dans la politique moderne. De ce point de vue, il y a Clémenceau qui s'est magnifiquement communiqué avec son chapeau tout mou dans les tranchées, etc. Et Poincaré, il met une casquette de chauffeur et il a l'air de rien du tout quand il va dans les tranchées. Toujours à côté de la plaque, d'une certaine manière. Alors, parlons un peu de notre 5e République. C'est André Castelot qui me disait un jour que l'histoire ne peut commencer réellement que lorsqu'il n'y a plus d'acteurs vivants. Mais là, ce n'est pas du tout ce que vous faites, puisque Giscard d'Estaing, Chirac, Mitterrand, Rocard, alors bon, certes, Mitterrand n'est plus de ce monde, Balladur, Chirac, Sarkozy, Villepin, Sarkozy, Fillon, là, vous nous parlez de personnages qui sont encore là et qui pourraient témoigner des duels qu'ils ont eu à mener. Oui, on a essayé, en faisant appel à un certain nombre de journalistes, signatures du Figaro, Tesson, Christine Claire, Tabar, Jégu, Méus, de raconter la politique comme on raconte l'histoire. En disant, après tout, peut-être que dans X générations, je ne suis pas sûr qu'on parle de tous ces duels. Mais en tout cas, l'exercice est de raconter, en étant au plus près de la vérité historique, de ces duels, qui sont des duels d'hommes. Mitterrand-Rocard se détestent, mais qui sont aussi derrière des duels de conception de la France. C'est ça. C'est ce que vous disiez à l'instant, Jean-François Solnon, sur... Même de pratique politique. Sur deux conceptions du socialisme, en l'occurrence, pour ce qui est de Mitterrand et de Rocard. Ouais. Si on peut avoir une vision précise du socialisme par François Mitterrand. Mais c'est dans la continuité tout de même de la vieille maison. On aurait pu avoir le duel Mitterrand-De Gaulle aussi en 65, qui a joué un rôle essentiel. On aurait pu avoir le duel. Il y a encore plein de duels qui ne sont pas racontés dans cet ouvrage. Ça sera pour la suite et pour le prochain volume. Alors, c'est Jacques Santamaria, l'année dernière, qui avait réalisé pour la télévision cette dramatique sur le duel Chirac-Giscard. Alors, j'ai eu l'occasion de demander au président Giscard d'Estaing, ici même, dans ce studio, ce qu'il en pensait. Et il m'a dit, je ne regarde jamais ce qui concerne. Mais bon. Bon, certes, mais on est là en présence d'une sorte de lutte quasiment à mort quand même. Alors bien sûr, aujourd'hui, on ne s'assassine plus à l'arme blanche. Non, mais... on se tue politiquement, on s'envoie à la défaite, c'est ce qui se passe, parce que malgré tout, dans la défaite de Giscard, il y a évidemment la trahison de Chirac. C'est un duel qui est un duel... Il y a deux façons de le voir. On peut dire c'est un duel entre l'orléaniste Giscard et le bonapartiste Chirac, le girondin et le jacobin. On peut dire ça, c'est pas absolument faux. Et puis c'est un duel d'hommes qui, au début... s'appréciait. Il y a une vraie fascination au début de Chirac pour Giscard. Philippe Tesson nous raconte ça très bien. Et puis ça tourne mal. Ça tourne mal souvent pour des petites vexations. Pourquoi ? Parce que Giscard, très très mal Chirac en vérité, lui demande de relire ses discours devant les collaborateurs de Giscard. Et Chirac, il est Premier ministre. Il ne se voit pas, parallèle avec Fillon, comme un collaborateur. Et voilà. Giscard invite Chirac à Brégançon, dans la résidence d'été des présidents de la République, et il l'assied à côté du moniteur de ski. Mais l'autre est ulcéré. Et donc, il y a une espèce d'imbrication, une sorte d'imbrication entre ces enjeux politiques et puis ces questions de personnes. Est-ce que ça n'est pas un peu le bal des égaux que vous nous décrivez là? Ah oui, sûrement. Oui, ben oui, mais parce que l'histoire, c'est aussi ça. Ça n'est pas que ça, mais c'est aussi ça pour le meilleur et pour le pire. C'est le calife qui veut prendre la place du calife. Oui, Mitterrand, à propos de Rocard, disait deux crocodiles sont dans le marigot, le plus gros mange le plus petit, la nature est là, qui t'appelle et qui t'aime. Et ben voilà, le plus gros, Mitterrand, a mangé le plus petit, Rocard. Alors, dans le cas du président Giscard d'Estaing, du président Mitterrand, de Michel Rocard, qui était venu aussi, lui, nous parler ici d'Henri IV ou d'Édouard Balladur, on est en présence de personnalités politiques qui ont une grande culture historique. Je ne ferai pas à d'autres l'injure de les nommer, mais ça n'est pas le cas de tous nos hommes politiques, notamment actuels. On a l'impression que c'est un savoir et c'est une culture qui se perd un peu. Vous voulez dire que le niveau baisse? Oui. C'est possible. Oui. On a l'impression que, en quelque sorte, les grands duels du passé n'alimentent plus véritablement les duels du présent. Non, je crois que nos hommes politiques d'aujourd'hui sont totalement dans le présent, ils sont dévoués pour le présent. Cela dit, il faut se méfier aussi de l'illusion rétrospective, parce qu'on a tendance à dire autrefois c'était des grands duels pour des grandes causes, et aujourd'hui des petits duels pour des choses mesquines. Je vous dis qu'ils ne s'intéressent plus aux duels du passé. Non, mais Guizot et Thiers, ou même Cardinal de Retz et Mazarin, pourquoi est-ce qu'ils se disputaient ? Ne dit-on pas qu'aujourd'hui ils n'ont pas le temps de lire des livres ou des romans ? Oui, il paraît même qu'il y a une ministre de la Culture qui n'a pas le temps de lire les livres, allez savoir. À quand le duel Vercingétorix César, demande gentiment Ariel sur Twitter. Oui, c'est vrai. N'oublions pas ce duel dont vous savez qu'il m'est cher et qui est peut-être le premier grand duel de l'histoire de France. C'est quand même fascinant de voir que cette première page de l'histoire de France s'ouvre sur un bras de fer extraordinaire entre ces deux génies respectifs qui étaient donc Jules César et Vercingétorix. Merci beaucoup à vous deux. Les grands duels qui ont fait la France sous la direction d'Alexis Brézé et Jean-Christophe Buisson, avec notamment Jean-François Solnon, c'est donc aux éditions Perrin et Le Figaro Magazine. Et puis Jean-François Solnon, j'ai entre les mains l'édition de poche dans la collection Tempus, la collection de poche des éditions Perrin, de votre célèbre ouvrage La Cour de France, dont nous avions eu l'occasion de parler ici. J'ai été obligé d'arracher ce livre à Lorena qui le lisait avidement pour pouvoir en parler cet après-midi. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ces grands personnages. Je me dis à chaque fois que je suis en présence comme ça de grands, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, de grands florilèges, de grands compendiums de l'histoire, que nous avons encore de très belles heures devant nous et que ce n'est pas dans cette matière-là, ce ne sont pas les sujets qui font défaut. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Nicolas. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait savoir depuis quand on attribue des étoiles au restaurant. Eh bien, depuis les frères Michelin. Tout simplement, hein, ce sont les frères André et Édouard Michelin, les grands industriels des pneumatiques, vous savez, qui vont avoir l'idée à une époque où la France compte encore très peu d'automobilistes. Dites-vous qu'en 1900, il y avait 3500 automobilistes. Hein. Et donc, ils vont créer leur fameux guide Michelin qui permettra à ces automobilistes de savoir où se restaurer, où déjeuner, où dîner dans leur pérégrination sur les routes de France. Des routes qui ne sont pas toujours bien goudronnées à l'époque. Enfin, vous savez, y a, pour faire le plein d'essence, c'est toute une histoire, etc. Donc, le guide vous indique tout ça. C'est un guide qui n'était pas seulement destiné au restaurant. Le guide devient payant en 1920. Et en 1926, on a l'idée, quand je dis on ne sait pas qui, dans la rédaction du guide Michelin, a eu l'idée de donner des étoiles. En tout cas, dans un premier temps, une étoile. Et puis, en 31, va apparaître la deuxième et la troisième étoile. Ah, ça, c'est la fin de la vie tranquille pour les restaurateurs, si je puis dire, parce que vous savez, cette espèce d'obsession hein, des deux, pour pas dire des trois étoiles. Alors, une étoile, ça veut dire très bonne table dans sa catégorie. Deux étoiles méritent le détour. Et vous connaissez bien la définition du trois étoiles. C'est vaut le voyage, bien entendu. Alors, ça, c'est pour répondre à la question de Nicolas via la page Facebook. Et puis, je me suis dit que puisque nous parlions des étoiles dans le monde de la restauration, il serait peut-être pas mal de dire un mot peut-être des étoiles décernées aux hôtels également. Alors, ça, il faut savoir que c'est un classement qui commence dans l'entre-deux-guerres. C'est à partir de 1937 que l'on commence à classer les hôtels. On leur met des labels, etc. Mais à l'époque, il n'y a pas encore d'étoiles. L'étoile, elle n'apparaîtra au sens propre qu'avec... l'étoile au sens propre, devrais-je dire, elle n'apparaîtra qu'avec l'arrêté du 24 juin 1950. Alors à l'époque, on classait les hôtels entre 0 et 4 étoiles. Il y en a plein qui n'avaient pas d'étoiles, tout simplement. Puis 1, 2, 3, 4... le 4 étoiles, c'était le fin du fin, c'était le summum à l'époque. Et vous savez que le système a été refondu à plusieurs reprises dans les années 70, dans les années 80. La dernière refonte, elle date de 2010. Vous savez que maintenant, on répertorie les établissements. Il n'y a plus d'hôtels sans étoiles, mais les plus modestes sont une étoile et les plus luxueux en comptent désormais 5.